Un homme d'esprit, Rivarol, par Jules Chancel. Dans une petite auberge méridionale, à Bagnoles, vivait sous l'enseigne des Trois Pigeons, vers l'an 1760, un pauvre diable chargé de famille plus que de clients. Pour comble d'infortune, ce cabaretier était ami des lettres. Il savait le latin, lisait Horace, toute condition pour être un déplorable commerçant. Aussi, ayant un jour, comme il avait vu, de saler un peu plus qu'il ne convenait la note d'un grand seigneur de passage, celui-ci fit illico fermer la maison. On conçoit le désarroi dans lequel une mesure aussi brutale jeta cet infortuné aubergiste, qu'il ne savait plus comment nourrir sa nichée. L'aîné de ses enfants, nommé Antoine, était alors au collège chez les Joséphites. Mais son père, ne pouvant payer sa pension, l'enfant était menacé de voir ses études interrompues. Tout jeune qu'il fût, le gamin montra déjà ce qu'il devait être plus tard en se débrouillant lui-même. Il s'en fut trouver son évêque à Cavaillon et lui exposa son malheur en termes si choisis que le prélat lui dit « Rentrez à votre collège, mon enfant, je me charge de tout. » L'évêque n'eut d'ailleurs pas à regretter sa bonne action, car son protégé devint un fort bon élève qui étonna ses professeurs par la vivacité de son esprit, de même qu'il séduisait tout le monde par sa grâce et sa jolie figure. Dans les conditions où il se trouvait, une seule carrière lui était ouverte. Il était fatalement destiné à être d'église, aussi le voyons-nous entrer au séminaire de Sainte-Garde en Avignon. Dans la ville des papes, il fit sensation. Les règlements du séminaire étaient assez larges. Les élèves pouvaient recevoir des visites. Aussi ce lévite de belle mine fut-il bientôt connu des dames d'Avignon qui l'accueillaient sur la promenade en s'écriant « Oh, le bel abbé !» Le bel abbé restait insensible à ses flatteries, conservant en apparence l'attitude correcte et décente qui convenait à son état. En apparence seulement, car en réalité, Rivarol ne songeait qu'à jeter aux orties son petit collet et à s'élancer vers Paris, où il voulait aller chercher la célébrité, comme M. d'Alembert ou M. de Voltaire. Hélas, aller à Paris en 1775 était chose ardue pour un fils de cabaretier sans nom, sans fortune et sans recommandation. Mais le jeune Rivarol savait déjà que s'il ne possédait rien de tout cela, il pouvait tout au moins compter sur deux atouts puissants, son physique agréable et son esprit. Si nous en croyons les pamphlétaires qui se vengèrent plus tard des bons mots de Rivarol à leur endroit, nous admettrons avec eux que le jeune abbé fit la route d'Avignon à Paris, derrière le carrosse de l'acteur Préville. D'autre part, nous le verrons signer des pièces du titre d'ancien officier du génie, ce qui laisse supposer qu'il s'engagea dans les armées du roi. Toujours est-il qu'un mystère plane sur les quelques années qui séparent son séjour au séminaire de son arrivée à Versailles. Car voici notre homme à Versailles, et avec un nom, et avec un titre, et avec de beaux habits. Où a-t-il pris tout cela, l'ancien séminariste, le fils du famélique cabaretier de Baudal? Nul ne le saura jamais. Mais déjà on parlait, dans les entourages de la cour, de ce certain chevalier de Parcieux, qui était si galant homme et avait tant d'esprit. Cependant, en choisissant ce nom de Parcieux, qui était celui d'un petit cousin de sa grand-mère, savant estimé d'ailleurs, et mort membre de l'Académie des sciences, Rivarol avait été mal inspiré. Certes, le nom était connu honorablement, car le vieux savant avait laissé des mémoires non dénuées de valeur. Mais il avait laissé aussi un neveu, qui se considérait avec quelque raison comme le légitime possesseur du nom vénéré. Aussi envoya-t-il sans hésitation les gens de loi à l'hôtel de l'usurpateur en lui faisant défendre de continuer à porter ce nom. Le coup était dur, car notre jeune homme était déjà arrivé sous ce vocable à acquérir une certaine notoriété dans les salons qui étaient à cette époque les grands centres de distribution pour la faveur et la fortune. Il avait plu. On citait ses mots d'esprit. On l'avait présenté à Gara et à D'Alembert, et il fallait abandonner tous ses résultats et annoncer piteusement que l'on s'appelait Rivarol, fâcheuse conjecture. Aussi le gaillard ne l'envisagea pas une seconde, et après une nuit de réflexion, durant laquelle il parcourut les tenants et aboutissants de sa famille, il se leva chevalier de Rivarol. Le jour même, il envoya à Voltaire une pièce de vers signée de ce nouveau nom, et le patriarche trouva ses vers si bons qu'il l'invita à le venir voir. Durant cette visite, le nouveau chevalier se montra étourdissant et s'engagea à faire en 3 mois une traduction de Dante. De ce moment se fait jour le défaut capital de ce jeune homme, charmant et si bien doué. Il était paresseux. Son seul effort se traduisait en verbiage, en mots, en réflexions piquantes qu'il prodiguait sans compter et qu'il notait soigneusement sur des bouts de papier dans l'intention de s'en servir un jour pour un grand ouvrage. Il avoue même, en considérant tristement sa plume, « Ah, que je déteste cette triste accoucheuse de l'esprit avec son long bec affilé et criard !» Aussi se sert-il le moins possible de cet outil dangereux et se borne-t-il à faire des mots. « Je viens de rencontrer M. de Florian, fait-il. Un manuscrit sortait de sa poche. Je lui ai dit, si on ne vous connaissait pas, on vous le volerait. Je vous écrirai sans faute, lui affirme un auteur en le quittant. Ça m'étonnerait, répondit Ribarol, et ainsi de suite, toute la journée. Hélas, ce n'est point avec des mots et surtout avec des mots rosses qu'on remplit son escarcelle. Mais Ribarol arriva tout de même à résoudre ce problème difficile. Il vit, il va dans le monde, il y met un grand train, comment fait-il? Ses ennemis se chargeront vite de répondre à cette question. Un jour, bienheureux, on sonne à sa porte. Un créancier? Non. La fortune, sous les espèces de M. Pankouk, directeur et propriétaire du Mercure de France. M. Pankouk, en directeur avisé, avait pensé qu'il devait attacher à sa rédaction ce garçon spirituel si recherché par la haute société. Ils furent vite d'accord. Ribarol accepta de faire la critique des livres, moyennant 50 écus par mois. Jamais l'écrivain ne s'était vu en face d'une telle fortune, et le meilleur emploi qu'il jugea utile d'en faire fut d'engager un laquais. Il ne s'en tint pas à cette seule folie, et il s'engagea lui-même dans les liens du mariage, ce qui était certes la dernière chose que ce bohème aurait dû jamais faire. Celle qu'il épousa n'était ni baronne ni comtesse, c'était la fille d'un modeste professeur de langue, mais elle avait quelques biens. L'ennuyeux, c'est que le grammairien et sa fille se méfièrent de la réputation de Ribarol, et ils le bouclèrent par un contrat qui devait plus tard lui attirer pas mal d'ennuis. Bien entendu, ce ménage fut rapidement un enfer. Femme jalouse, mari volage et de plus un enfant. Un beau soir, notre Ribarol se décida à quitter tous ses ennuis en disant simplement comme excuse à ses amis « Je ne suis ni Jupiter ni Socrate, et j'ai trouvé dans ma maison Junon et Xantippe. » Ce lâchage fit quelque tort à Ribarol qui comprit la nécessité de rétablir sa situation par un coup de maître. À cet effet, il fit l'effort formidable de se mettre au travail et écrivit sa traduction de Dante. Mieux encore, il envoya un manuscrit à un concours qu'avait ouvert l'Académie de Berlin sur les mérites de la langue française. Il faut croire que quand le gaillard se donnait la peine de faire un travail, il réussissait, puisque quelques mois plus tard, il était proclamé vainqueur du concours de Berlin. Cette victoire fit un grand tapage. Le roi de Prusse lui envoya personnellement ses félicitations et à Versailles même, on lui sut gré de son succès. En même temps, paraissait la traduction de l'enfer, il était nommé membre de l'Académie de Berlin. Décidément, c'était la gloire. La gloire avec toutes ses conséquences, c'est-à-dire les attaques et l'envie. On devine que Ribarol se trouvait là dans son élément. Il répondait à tous, lançant ses flèches les plus acérées, ses petits vers les plus charmants, ses mots les plus méchants. Un jour, ne disait-il pas que, du fils de Buffon qu'il avait attaqué, c'est un des plus mauvais chapitres de l'histoire naturelle de son père. Mais voici que toutes ces petites histoires doivent céder le pas à la grande histoire. Il est fini le temps des quatrains, des querelles littéraires et des almanachs. La Révolution française est en train de bouleverser le monde, et tout de suite, Ribarol se juge appelé à jouer un rôle important dans le grand drame. Son opinion politique était toute prête. Il était royaliste, mais royaliste constitutionnel. Il ne cachait pas son mépris, aussi bien pour la cour que pour les hauts personnages des états généraux, les Sieyès, les Garat, les Mirabeau. Il connaissait à leur véritable valeur tous ces gens-là, et ne se gênait pas pour afficher le peu de cas qu'il faisait de Louis XVI, le serrurier, qui, affirmait-il, étant honnête homme, ne pouvait être qu'un pauvre roi. Dans les parties les plus opposées, on songeait à s'attacher à la plume piquante de Ribarol, et un jour, le duc d'Orléans lui dépêcha le duc de Biron pour lui demander d'écrire un pamphlet sur la cour et ses dilapidations. L'écrivain fut superbe. « Monsieur le duc, lui répondit-il avec mépris, envoyez vos laquais chez Monsieur Mirabeau, avec quelques centaines de louis, et vous aurez votre pamphlet. Quant à Rivarol, il reste respectueux du principe monarchique. » On le voit, ce sceptique, ce bohème, ce paresseux, ce famélique, ne manquait pas d'allure. Mieux, il était peut-être convaincu et désirait servir et combattre pour ses idées. Aussi le voyons-nous accepter avec empressement, quelques mois plus tard, les offres de l'abbé Sabatier de Castres, qui vient lui proposer de créer un journal politique capable d'influer sur l'opinion. Nous le savons, notre écrivain manquait totalement de sens pratique. Au lieu de créer une feuille relatant les événements au jour le jour, qui n'existaient pas à ce moment, y aurait obtenu les plus grands succès. Il fonda les annales politiques de M. le comte de R. Ces annales constituent un ouvrage philosophique prétentieux, intéressant certes pour une élite, mais qui ne put jamais pénétrer dans les masses. Malgré les dangers, il eut le courage de rester contre-révolutionnaire et aussi celui de ne pas émigrer. Rivarol, nous le savons, était incapable d'un effort suivi et prolongé. Aussi, dès qu'il eut achevé dans ses fameuses annales le récit des journées d'octobre, il arrêta ses publications. Une autre marotte l'avait saisi. Faire tenir directement au roi les conseils qu'il voulait lui voir suivre pour établir sa situation si compromise. À cet effet, il réussit à se mettre en rapport avec M. de la Porte, qui consentit à porter à Louis XVI le rapport que lui confia l'écrivain. Le roi mit le papier dans son armoire de fer et n'y pensa plus. Puis les événements se précipitèrent. Louis XVI fut emprisonné et l'armoire de fer tomba entre les mains des révolutionnaires. Rivarol commença à concevoir quelques inquiétudes sur la découverte de son rapport dans les papiers du roi. Et comme, d'autre part, sa situation financière était plus déplorable que jamais et qu'il devait à tout le monde d'assez grosses sommes, il jugea le moment favorable pour quitter la France. Il eut la chance d'obtenir à la section des filles Saint-Thomas le passeport nécessaire à son départ et il fila au stand avec de l'argent en poche que probablement il avait su habilement soutirer à M. de la Porte. Il mena alors cette vie bizarre et paradoxale des émigrés un jour exerçant un métier pour vivre et le lendemain donnant des réceptions. À ce jeu, l'argent qu'il avait apporté de France fila vite et il dut reprendre ses procédés habituels qui consistaient à vivre aux dépens des libraires et des éditeurs. Entre-temps, il avait réussi à soutirer de l'argent. Toujours au nom de la sainte littérature, un certain marchand qui s'appelait M. Capadoce, par lequel il se fit entretenir assez longtemps. Venu à Hambourg, il trouva le moyen de tirer d'un libraire une pension de 50 livres par mois en échange d'un dictionnaire de la langue française qu'il s'était engagé à lui fournir sous peine d'un dédit de 12 000 livres. C'était un beau traité, pour Rivarol surtout, qui, naturellement, n'écrivit jamais que la préface de son fameux dictionnaire. Il s'ennuyait décidément à l'étranger, notre écrivain, et proclamait hautement qu'il ne pouvait pas vivre en dehors de Paris. Aussi, plus qu'à son dictionnaire, songeait-il à retourner dans sa patrie. On était en 1799. Il fit entreprendre des démarches auprès de Fouché pour pouvoir entrer en France. La réponse revint quelque temps après. Elle était nettement défavorable et notre homme en conçut une haine farouche contre Bonaparte. De cette haine, l'habile homme trouva encore le moyen de tirer de l'argent. Il se mit en rapport avec le comte d'Avaray, agent de Louis XVIII, et lui proposa d'écrire un pamphlet contre l'usurpateur corse. Bien entendu, il ne demandait rien pour lui, mais les frais, les papiers. On lui remit de l'argent, mais il n'écrira pas plus le pamphlet que le dictionnaire. Il a bien autre chose à faire. N'a-t-il pas résolu de se rendre à Berlin, où il espérait bénéficier de sa situation de membre de l'Académie de cette ville? Il y fut en effet reçu avec les plus grands honneurs, si grand même que l'ambassadeur de France s'en émut et dut intervenir pour remettre Rivarol à la place qu'il devait réellement occuper. Ce voyage à Berlin fut d'ailleurs son apothéose. Déjà, il faisait ses préparatifs pour retourner dans sa Provence, tant désiré, quand le 4 avril, il se sentit indisposé et 2 jours après, son médecin annonçait à ses amis qu'il était mourant d'une fluxion de poitrine bilieuse. Rivarol fit la mort d'un philosophe, conversant jusqu'au dernier moment avec son ami Dampmartin, qu'il chargea d'être son exécuteur testamentaire, besogne peu absorbante. Jusqu'à la dernière minute, il parla. Je n'ai jamais couru après l'esprit, disait-il. C'est lui qui est toujours venu me chercher. Ainsi mourut, comme il avait vécu, cet homme séduisant qui eut trop d'esprit et trop de charme pour être un véritable grand homme. C'était Un homme d'esprit, Rivarol, par Jules Chancel.